Ouais, c'est pas elle qui fait son bafon. Touch me, touch me, touch moi, ben quoi. Miguel, why not mon double de yo comporto, Miguel? Why not mon double de yo comporto, Miguel? Why not mon double de yo comporto, Miguel? Why not, Miguel? Girl, say, look, look, fait qu'on sait que nous canons ces autres, Miguel. Look, à qui trop, manque vous de coups de fou, Miguel. Look, ou à bout de souffle, y'aura deux, moi pour qu'on même bien à tout, Miguel. Mon patch est qu'à sortir, donc mon patch est parlé, y'a bon. Les mains du cas, coffre, y'a bon, papa répondre, y'a bon. Faka bon qui l'a pas bon qui café friend zone. Faka bon qui l'a pas bon qui café friend zone. Sauter y'a les mains consiste c'est extension. Fait tourner la bête consiste c'est G PlayStation. Bah mes pressions, faka bon à l'action. Depuis t'as les money Chris Bond. Miguel, tout. Nous que fait qu'on sait que nous qu'à danser zouk, Miguel. Tout. A qui tout, manque foutre au coup de fou, Miguel. Tout. Ou à bout de souffle, y'aura deux, moi pour qu'on même gagne à tout. Miguel. Donc à coller dans leur gros autocollant. Sous prochain nous qui fait les parties, on vient pas en voler. Voler fin ma moune, non à wa pas pour rigoler. Mais leur gardé, lesbienne a postulé. Mon patché qu'a sorti donc mon patché y parle y'a bon. Les mains du kakop y'a bon, m'va pas répondre y'a bon. Faka bon qui l'a pas bon qui k'a fait friendzone. Faka bon qui l'a pas bon qui k'a fait friendzone. Mon patché qu'a sorti donc mon patché y parle y'a bon. Les mains du kakop y'a bon, m'va pas répondre y'a bon. Faka bon qui l'a pas bon qui k'a fait friendzone. Faka bon qui l'a pas bon qui k'a fait friendzone. Miguel, why not mon double de yo kompoto Miguel. Why not mon double de yo kompoto Miguel. Why not mon double de yo kompoto Miguel. Why not me gal, gal, gal. Joke, nous que fait qu'on sait que nous qu'à danser zouk me gal. Joke, à qui trop manque faut au coup de fou me gal. Joke, ou à bout de souffle, y'aura deux, moi pour qu'on même bien à tout. Mon patch est qu'à sortir donc mon patch est parlé y'a bon. Les mains du kakop y'a bon, va pas répondre y'a bon. Faka bon qui l'a pas bon qui k'a fait friendzone. Faka bon qui l'a pas bon qui k'a fait friendzone.